Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de Laspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 10. Lorsque la lumière s'éteignit, Rick entendit des exclamations des deux personnes qui se trouvaient plongées dans le noir. Hey! Et lorsque le groupe électrique remplit son office, il les vit sortir d'une pièce et se précipiter dans la coursive. Comme à l'entraînement, il les cueillit avec son arme anesthésiante et ils s'affalèrent sur le sol métallique. 5 minutes plus tard, les deux Cardassiens avaient rejoint le mulot Castor et le Cherokee qui commençaient à reprendre conscience. Rapidement, ils la hissèrent sur la plateforme élévatrice et le petit groupe put s'introduire dans le vaisseau. Mazas resta quelques secondes sur le seuil, l'œil braqué sur la fumée qui s'élevait au loin. Elle soupira longuement et, à regret, ferma la porte du sas. L'émir l'interpella. Tu penses à Arx? Évidemment. Il s'est sacrifié pour que nous puissions nous enfuir. C'est vraiment un ami fidèle et dévoué. Le mulot Castor approuva de la tête, la mine contrite. La situation de l'octopode était devenue intenable. Quelques minutes plus tôt, l'officier qui commandait les troupes de défense s'était avancé sous la gazelle et avait enjoint au fuyard de se rendre. Il avait terminé sa déclaration en ajoutant « J'attends votre réponse. Vous avez 30 secondes de réflexion. Et si vous ne vous rendez pas, nous donnerons l'assaut. » Arx, qui pouvait se montrer impitoyable, avait eu l'intention initiale de répliquer par une rafale meurtrière, mais il appréciait le courage à sa juste valeur, fût-ce chez ses adversaires. Or, dans le cas présent, il fallait en posséder une bonne dose pour oser s'approcher à découvert d'ennemis aux abois. C'est pourquoi son arme se contenta de désintégrer le sol du tarmac, 2 mètres en avant des pieds de celui qui venait de le héler. L'homme tressaillit, mais ne bougea pas d'un pouce. L'antilan, c'est ça le tir. Le silence régna pendant quelques secondes, le temps que finisse de s'écouler le délai imparti, puis l'officier, très digne, tourna les talons et partit rejoindre ses soldats. Et l'enfer se déchaîna. Protégés jusqu'à un certain point par leurs écrans protecteurs, les partisans de Laspar s'avancèrent tout en déclenchant un feu nourri à l'adresse du puits de train de l'Aviso. Plaqué contre la partie haute de l'étançon, la plus épaisse, Arx put échapper sans mal aux premières salves. Mais, au fur et à mesure de leur approche, les soldats rétrécirent leur champ de tir et la position du malheureux devint de plus en plus inconfortable. Il fut touché simultanément par 2 faisceaux d'énergie bleutée et se tordit sous la douleur qui attaquait ses nerfs. Il sut alors que sa fin était arrivée. Mais sa combativité était toujours intacte et il décida d'effectuer un dernier baroud d'honneur. Se dressant sur 3 de ses pseudopodes, il quitta son refuge, son arme crachant la mort. Surpris par son apparition subite, ses adversaires eurent un léger temps d'hésitation qui fut fatal à bon nombre d'entre eux. Mais ils se remirent rapidement de leur surprise et un véritable tir de barrage fut déclenché contre un natif d'Antilla qui disparut soudainement à leurs yeux. Stafford de Monterny ne décolérait pas. Vexé au plus profond de lui-même pour s'être laissé abuser par l'animal, tel qu'il nommait l'octopode avec mépris, il lui avait tout d'abord été nécessaire de reprendre ses esprits. Touché de plein fouet et à bout portant par le radiant choc d'une hâte qui surveillait Mazas, il était obligé de convenir qu'il avait été sérieusement secoué. Son corps mécanique avait cependant un avantage sur ses frères organiques. Il pouvait répondre aux ordres du cerveau dès lors que celui-ci se remettait à fonctionner normalement. Chose que ne pouvait pas faire une carcasse d'humanoïde, si solide soit-elle. À présent, malgré une brume désagréable au niveau de son esprit, il était presque redevenu lui-même. Presque. Car il devait s'avouer que ses sens supranormaux étaient encore loin de fonctionner à plein régime. Alors que la plupart des occupants de la salle du conseil se trouvaient encore inanimés ou se tordaient de douleur selon l'intensité des tirs qui les avaient frappés, le surmutant s'était approché de la console informatique qui trônait à l'une des extrémités de la table où siégeait le triumvirat. Sans un regard pour les trois membres constituant la tête officielle de l'ASPAR et qui gisaient sur le plancher, il se mit à manipuler les commandes, donnant ses ordres et zappant sur les différents écrans de surveillance dans l'espoir de retrouver la trace des fuyards. Un sourire mauvais apparut sur les lèvres de l'androïde lorsqu'il cadra le véhicule blindé qui tentait d'échapper à la meute lancée à ses trousses. Il interpella le colonel qui dirigeait la poursuite, le sommant de lui ramener les prisonniers morts ou vifs. Et, tout compte fait, morts de préférence. Par des effets de zoom, il put suivre tout l'engagement, se réjouissant lorsque l'ultime cachette des évadés fut découverte par les Dicos. Une ou deux fois, il aperçut fugitivement la silhouette caractéristique de l'Antillon, et il savoura à l'avance la destruction de l'être qui l'avait ridiculisé. Mais un sentiment confus d'inquiétude, qu'il ne parvenait pas à identifier, l'étreignait sans qu'il parvienne à l'analyser. Penché en avant, il vit l'octopode de jaillir de derrière son pilier de protection et il s'apprêtait à savourer sa fin. Et soudain, Arx disparut de son écran. Un horrible blasphème s'échappa de ses lèvres comme il comprenait qu'il venait de se faire berner pour la deuxième fois par l'Antillon. Non seulement il avait attiré l'attention de tous les gardes de l'Astroport pendant que ses complices prenaient le large par un autre chemin, mais en plus, il venait d'être secouru in extremis par ce maudit mulot castor qui avait dû retrouver ses pouvoirs. Aussitôt, il aboya ses ordres. Mazas pressa le pilote. Plus vite! Dès qu'ils seront de retour, il faudra que tu t'arraches. Il lui lança un regard torve. Tu crois peut-être que c'est simple de s'occuper d'un engin pareil tout seul, ou presque seul? Rectifia-t-il en jetant un coup d'œil à Rick qui faisait ce qu'il pouvait pour l'aider dans la mesure de ses moyens. Sa présence était cependant indispensable car, par mesure de sécurité, afin d'éviter qu'un officier devenu subitement fou puisse diriger seul le vaisseau, il fallait impérativement être installé à deux à la console de pilotage, même si c'était le cerveau P qui s'occupait de tout. Il ajouta « Le décollage ne posera pas de problème. Les antichets feront leur office. Après, la positronique prendra le relais pour le diriger vers la lucarne de sortie, à condition que nos adversaires n'aient pas eu le temps de changer le code de passage. Le risque majeur, c'est qu'ils nous prennent pour cible dès que nous aurons quitté le sol et que je sois obligé d'intervenir en manuel pour éviter un coup au but. L'écran SH est efficace tant qu'il n'est pas saturé. Tu penses réellement qu'il pourrait modifier aussi rapidement le code ? À vrai dire, non. Mais j'avoue que ce surmutant me fiche la trouille. Avec ses pouvoirs diaboliques, je le crois capable de tout. Tu peux faire confiance à l'émir pour le contrer. Ouais. À ce propos, comment se fait-il qu'il ne soit pas encore de retour ? Elle haussa les épaules. Quand l'émir a décidé d'aller à son secours, il n'avait pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. Il est donc possible qu'il soit obligé de reprendre des forces et qu'il se soit arrêté entre deux sauts. S'il tarde trop, il faudra partir sans eux. C'est l'ordre qu'il nous a donné avant de se téléporter. Et tu crois que je pourrais abandonner le plus célèbre des mutants de la milice et me présenter ensuite devant le Lord Amiral et devant Perry Rodan ? Si cela aide à sauver l'humanité des griffes de Stafford Monterny, je crois que nul ne pourra t'en faire grief. Aurais-tu un peu d'ergoté ? De toute façon, vous savez bien que nous ne partirons pas sans eux. Hold ! Tiens, le pot rouge est réveillé. C'est parfait. Cela fera deux bras de plus pour la manœuvre. Arx vit partir les rafales qui allaient l'abattre quand, subitement, il se sentit arraché de son poste de combat et il s'affala, loin de là, contre le mulot castor. Les cubutaires cul par-dessus tête, membres emmêlés et l'émir qui avait reçu le crâne de l'octopode dans l'estomac, poussant un gémissement en tentant de retrouver son souffle. Comment vas-tu? Arx vaguait, puisque Arx est encore vivant. Et Arx remercie Dimir de son intervention. C'est la moindre des choses, car sans toi, nous n'aurions jamais pu parvenir jusqu'au Bossalor. Mais cet effort m'a vidé. Et il va falloir attendre un peu pour que je puisse nous ramener à bord du vaisseau. L'Antilan jeta un coup d'œil autour de lui et s'aperçut qu'il se trouvait sur le toit en terrasse de l'un des bâtiments de l'Astroport. Et, à 300 pas de là, se tenait une cohorte de soldats sidérés par la disparition subite de leur adversaire. Plus loin, presque à portée de main, mais cependant quasiment inaccessible, se dressait le navire dans lequel Mazas et ses compagnons les attendaient. L'émir posa la patte sur un des pseudopodes de celui qu'il venait de sauver, mais il sentit aussitôt que sa faiblesse ne permettrait pas de les téléporter à bord. Il lui fallait encore patienter un peu. Toutefois, son impuissance présente le mettait en rage, car il savait que chaque instant perdu profitait aux surmutants et à ses hommes et restreignait leurs chances de fuir Plogan. Car, malgré les ordres qu'il avait donnés, il savait pertinemment que ses amis ne les abandonneraient pas tant qu'il resterait une chance de les embarquer. Mazas avait installé Ruth Blackbear sur le plancher, le dos contre une cloison, puis elle s'était assise dans le siège contour d'où elle pouvait diriger la centrale de tir. Elle programma les différents canons de manière à causer un maximum de dégâts parmi la flotte des navires posés sur les aires de stationnement de l'Astroport. Elle se réserva à la haute tour, dont la base constituait l'entrée principale de la ville souterraine. Un quart d'heure passa. À l'extérieur, des troupes de plus en plus nombreuses se déployaient à la recherche des prisonniers. Dans le poste de pilotage, la tension montait imperceptiblement. Les nerfs des occupants étaient tendus comme des cordes de violon et les cœurs battaient à tout rompre. Et soudain, ce que chacun craignait survint. L'intercom égrena son signal d'appel et le buste de Corlan apparut sur l'écran. Steve avait coupé l'émission, si bien que l'aconide ne percevait rien de son interlocuteur. Furieux, il aboya « Allumez votre émetteur !» Le pilote se garda bien d'obtempérer. Les soupçons qui assaillirent soudain le commandant du Bossalor transparurent sur son visage. Il réitéra son ordre tout en faisant un signe à quelqu'un qui se trouvait hors du champ des caméras. Identifiez-vous immédiatement ou bien je fais arroser le vaisseau au narco-radiant. Ça, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau de Mazas tournait à plein régime. S'ils avaient eu le temps d'enfiler des spacandres de combat, ils auraient peut-être eu une chance de résister aux effets dévastateurs de cette arme. Mais dans l'état actuel des choses, c'était impossible. La mort dans l'âme, elle se décida à donner l'ordre d'appareiller. Pour son bonheur, elle n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. L'émir et Arx surgirent du néant et s'affalèrent sur le plancher. Dans le même instant, la main de Steve appuya brutalement sur les commandes des antigés. L'appareil jaillit dans les airs à une vitesse interdite lors de ce genre de manœuvre. Simultanément au décollage, la cardassienne déclencha un ouragan de feu et de plasma sur l'astroport, semant la panique et la désolation. Cramponné aux commandes manuelles, en l'occurrence inutile car la positronique, ayant intégré les données de vol, dirigeait le Bossalor sans conférir en direction du passage de l'écran défensif, Steve libéra le trop-plein de tension qui l'habitait. « Yahoo !» Puis, soulagé par son cri, il reporta son attention sur les différents détecteurs qui déroulaient leurs chiffres sur l'écran. Un voyant vert clignotait, signalant que le code permettant le franchissement du bouclier défensif était activé. Un lecteur numérique défilait en indiquant le reliquat de temps avant la traversée du dispositif de protection. Il restait 8 secondes lorsque le vaisseau encaissa un coup qui le fit se cabrer, puis dévier de son cap. C'est dans un cas semblable que l'électronique prouve sa supériorité sur l'homme, car un pilote, si doué soit-il, n'aurait pas eu le temps matériel de redresser l'assiette de l'astronef, de recalculer son chemin et de parvenir dans un aussi court laps de temps à franchir l'écran infrangible qui se referma aussitôt derrière lui après son passage. Le navire accélérait de plus en plus, essayant d'atteindre le plus rapidement possible la vitesse de libération. Les blocs propulsion tournaient à plein régime, en attendant de céder la place au convertisseur calupéen. Le pilote répondit à la question muette de Mazas. « Encore 7 minutes, et nous passons dans l'entre-espace !» Elle quitta donc la console de tir et s'approcha d'Arx et de son sauveteur. Le mulot castor était inanimé, l'effort désespéré qu'il avait effectué ayant pompé ses dernières réserves d'énergie. L'octopode, quant à lui, essayait d'arrêter le fluide vital de couleur bleu clair qui suintait des 2 blessures reçues lors de son engagement contre les troupes ploganaises. « Tu es blessé ?»« Ce n'est rien, Arx. On a vu d'autres. Mais il faudrait quelque chose pour stopper le champ. »« Ne bouge pas, je m'en occupe. » Au passage, il s'assura que l'émir était seulement évanoui et non blessé. Rassuré, il se dirigea vers l'armoire de médicaments qui se trouve dans chaque vaisseau. Mais déjà, Rude, encore un peu vacillant, lui tendait une boîte à pharmacie. Merci. Elle entreprit aussitôt de nettoyer les plaies de l'antilan et de les asperger d'un spray cicatrisant avant d'y appliquer un pansement hydrocolloïde favorisant la constitution de l'épiderme. J'espère que ce sera aussi efficace pour toi que pour un humain. Il découvrit complètement ses redoutables défenses, ce qui correspondait pour lui à un sourire. Arch est presque humain. Ironisa-t-il tout en se levant sur un siège à côté de Rick. Le mercenaire lui jeta un regard amical. Tu nous as bien eu avec ta comédie. Tu devrais faire du cinéma. Arch ne pouvait rien vous dire, car mon terme y a réduit dans vos esprits. Et dans ton esprit, il ne peut pas lire ? Non. Le cerveau des antidents est trop complexe et trop différent des autres êtres. Même l'émir ne peut pas lire les pensées d'Arx. En tout cas, tu m'as fait peur. J'ai bien cru que tes facultés mentales avaient été court-circuitées par les radiants chocs, parce que tu en as encaissé une sacrée dose. Arx est costaud. J'ai eu beaucoup de mal à me maîtriser quand tu m'as regardé lorsque le lourd t'a déposé sur ton siège. Et après, j'ai été torturée à l'idée que je m'étais peut-être trompée et que j'avais interprété ton regard parce que je souhaitais qu'il en soit ainsi. Quand tu as lancé ton attaque, j'avais tous les nerfs tendus à m'en faire mal. Arx savait que Mazas le comprendrait. Tu me prêtes des qualités que je n'ai pas forcément. Nous basculons dans l'espace liénaire dans 50 secondes. Sais-tu dans quelle direction tu vas ? Absolument pas, puisque j'ignore tout des coordonnées de Plogan que nous venons de quitter. Je profiterai de notre voyage dans l'espace quintidimensionnel pour étudier les mémocristaux de la positronique. Je devrais bien y trouver la position de la planète de l'Aspar. Ruth Blackbear, qui se trouvait près du mulot castor, les interpella. L'émir est toujours inanimé. Est-ce que c'est normal ? Rassure-toi, il en a sûrement pour plusieurs heures, car il est allé au bout de ses forces pour ramener Arx. Rick remarqua une ombre qui passait dans le regard de sa sœur. À quoi penses-tu ? Bof, je regrette un peu mon couteau de jet qui est resté sur Plogan. J'y tenais beaucoup. Si tu veux, on peut y retourner pour le récupérer. Au même instant, le boss alors quittait l'espace Einsteinien. Le seigneur Corlan faisait face aux surmutants. Celui-ci avait retrouvé tout son calme et son esprit avait froidement analysé les événements. Il en ressortait que, malgré l'échec cinglant que constituait la fuite des prisonniers et les dégâts qu'ils avaient causés durant leur évasion, la situation pouvait encore être retournée en sa faveur. Tout d'abord, en ce qui concerne l'attentat contre Atlan, il n'y a rien de changé. Son goinfre d'adjoint se promène actuellement avec une bombe dans l'estomac. Nous la ferons exploser lorsqu'il sera dans le bureau du Lord Amiral. Sur Plophos, les rebelles n'attendent que notre signal pour se soulever. Ce qui sera fait dans 9 jours, lorsque Mori Rodan Abro viendra participer à la fête nationale qui célèbre la fin de la tyrannie des Ratio Andro. Idéal, ce serait de faire coïncider ces 2 événements. Ce qui laisse pour l'instant un court sursis à l'Arconite. Quant à nos fugitifs, ils auront bien des difficultés à se débrouiller sans un équipage minimum. Vous allez donc les poursuivre avec le revanche. Il est de nouveau disponible ? Oui, J'ai demandé à nos techniciens de cesser leurs travaux pour tenter de démonter le système de guidage dans l'entre-espace. Le cube métallique dans lequel il est enfermé ne peut être attaqué par aucun des moyens dont nous disposons, et il est totalement opaque aux rayons du scan. C'est bien regrettable, mais nous devons surtout éviter de le détériorer. Il vaut mieux posséder deux appareils dont nous ne savons pas reproduire les caractéristiques que de risquer d'en perdre un en tentant de l'ouvrir par tous les moyens à notre disposition. Peut-être en existe-t-il d'autres sur l'astéroïde où nous les avons découverts. Nous avons effectué toutes les recherches possibles dans ce but, mais nous n'avons plus rien trouvé. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à partir. Parfait! Vous me ramènerez le Munocastor et ses complices, vivants si possible. Sinon, rapportez-moi les corps. Mais surtout, faites tout votre possible pour récupérer le boss alors, en bon état. Bien, monsieur. Dans combien de temps pouvez-vous partir? D'ici un quart d'heure. Parfait. L'équipage est à bord et le tracker est réglé sur la fréquence secrète du boss alors. Vous ne devriez en principe avoir aucune difficulté à le suivre à travers l'entre-espace, malgré l'avance qu'il a prise. Il a raisonné à sa sortie. Ce sera fait selon vos désirs, monsieur. Laconide salua et quitta le bureau en se hâtant, le cœur rempli d'idées de vengeance, vers le vaisseau qui venait de lui être confié. Pendant que Nimir et ses compagnons tentent d'échapper aux séides de Stafford Monterny lancés à leur poursuite, Perry Rodden et Atlan ignorent les desseins funestes du surmutant à leur égard. Sauront-ils faire face à leur mystérieux ennemi? Et sauront-ils conjurer le danger surgi du passé? C'est ce que vous apprendrez dans le prochain épisode de Mazas Pavel. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 10 de Mazas Pavel, Les conjurés d'Alaspar par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Ezwa dans le rôle de l'Émir, Christophe dans le rôle de Steven Mirror 5, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Christian Martin dans le rôle de Ruth Blackbear, Gabriel Jean dans le rôle de Stafford Monterny, Eric dans le rôle de Corlan, Fred dans le rôle de l'officier de l'Aspar et Christian Martin dans le rôle de Arx et à la narration. La musique du roman fut tirée de l'œuvre de Juskidin, de ERH, de City Newman sur freesound.org, ainsi que de l'œuvre de Kevin MacLeod sur incompetech.com et de celle de Christian Martin. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.